personne ne peut me tester. Numéro 1, je suis à l'aise, hein, ouais, hein. César devant les raisins. Quatre projets dans la maison. Fais ça avant par les uns. J'ai les baises, hein, ouais, hein. Je vois personne dans mon radar. Personne dans mon ouais, hein. César devant les raisins. Quatre projets dans la maison. Fais ça avant par les uns. Non merci, j'ai pas faim. Bitch, je suis là pour les talbins. J'suis gentil, mais c'est pas le cas des refs. J'suis gentil, mais c'est pas le cas des refs. Babe, babe, babe shark murder. Fast food, ASAP burger. J'ai mon style, alors fais pas le forceur. J'ai mon flow, alors fais pas le surfer. J'fais les deux, crois-moi, crois-moi. Oui, de rage à casa. On n'oublie pas Gaza, Gaza. Retenez bien cette phrase. Vrel 2 les dépasse. Vrel 3 les surpasse. Personne ne peut me tester. Numéro 1, je suis à l'aise, hein, ouais, hein. César devant les raisins. Quatre projets dans la maison. Fais ça avant par les uns. Je les baise, hein, ouais, hein. Je vois personne dans mon radar. Personne dans mon ouais, hein. César devant les raisins. Quatre projets dans la maison. Fais ça avant par les uns. Personne ne peut me tester. Numéro 1, je suis à l'aise, hein, ouais, hein. César devant les raisins. Quatre projets dans la maison. Fais ça avant par les uns. Soldats sur les Yabusa comme Yakuza.